Alors, ben, pour cette chronique, je vais vous parler beaucoup de vidéos et de visites. Alors, ça se passe en trois points. Alors, tout d'abord, premier site, la blogothèque. Alors, www.blogothèque.net, que bien sûr, je vous noterai tout ça sur le site indiesis.com. Donc, qu'est-ce que la blogothèque? En fait, c'est une équipe de blogueurs qui souhaitent faire partager leur passion de la musique par différents moyens. Donc, des moyens classiques, MP3, radio. Eux aussi, ils ont une radio pas concurrente à la nôtre, mais qui est efficace. Mais le concept le plus original, c'est en fait tout ce qui est concert à emporter. Alors vous allez me dire, concert à emporter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu bizarre comme expression, voilà, tout à fait Charlotte. En fait, ce sont des vidéos qui sont des vidéos de concerts, mais des concerts créés très spontanément dans des lieux insolites. Alors par exemple, un groupe qui propose une de leurs compos dans la rue, ils prennent une guitare, un harmonica premier instrument qui leur passe sous la main, ils vont dans un endroit, style un café, une rue, un appartement, et donc ils sont filmés dans ce contexte un peu incongru. Et ça donne des concerts assez atypiques, avec des sonorités très simples et qui donnent tout leur charme donc à ces concerts. Notamment dans les artistes qui se sont prêtés au jeu, on retrouve Kali et Kerin Ann. Donc, ce sont les deux artistes connus que j'ai retrouvés sur ce site. Et j'ai eu un coup de cœur notamment pour un artiste qui a fait une de ses compos sur le toit d'un immeuble de New York, sous un quart de lune. Je vous le conseille si vous le retrouvez. Il y a 72 vidéos de ce type. Et ça permet de redécouvrir des titres et des artistes sous un autre angle qui est assez intéressant. Bon, en tout cas, moi, c'est mon coup de cœur de ma chronique. Donc, je vous conseille d'aller voir blogothèque.net. Ouais, mais j'ai pas compris l'histoire du concert à emporter, là. Mais en fait, le concert à emporter, c'est des concerts filmés de façon spontanée. C'est pas calculé, c'est pas mis en scène. Okay. Je te réponds. Non, mais... bon. J'ai un petit peu mieux compris. Voilà, bon. En tout cas, tout est expliqué sur le site internet, si jamais je n'ai pas été assez claire. Ensuite, deuxième bon plan, c'est l'association Artemis, qui est une association toulousaine et qui propose des visites guidées de Toulouse. Donc, vous pouvez aller sur leur site www.toulousevisite.com, tout attaché. Alors, le concept des visites guidées de Toulouse, contrairement à l'office de tourisme, c'est que ce sont des visites thématiques qui permettent de visiter Toulouse sous différents angles. Angles. Oui. Je ne sais pas. C'est l'émotion, c'est pour ça. Et donc des visites guidées donc sous différentes thématiques, comme je disais. Par exemple, ils proposent Toulouse et ses affaires criminelles. Donc apparemment, vous voyagez à travers différentes affaires qui ont marqué Toulouse. Je ne sais pas lesquelles, mais apparemment, c'est assez intriguant. Toulouse aussi au fil de l'eau, ou bien par quartier, si vous voulez avoir une connaissance plus pointue sur les monuments, sur les marchés, sur les lieux atypiques des quartiers de Toulouse. Ils peuvent vous faire connaître tout ça. Ils proposent également des circuits énigmes. Alors c'est assez intéressant, ils vous font parcourir Toulouse tout en vous faisant une sorte d'enquête, de jeu de pistes. Bon là bien sûr il faut réserver, c'est par un groupe de personnes et souvent ça finit avec un pot convivial à la fin pour clôturer tout ça dans la bonne humeur. On va vite s'inscrire. Ouais, ça peut être sympa. Ils proposent aussi comme visite guidée des visites de la région, donc pas seulement Toulouse mais aussi la région, donc dans le Tarn, dans le Lot, l'Aveyron, là aussi par thème, si vous aimez beaucoup tout ce qui est historique, ils proposent beaucoup de choses sur ce thème-là. Alors sur le site internet www.toulouse, alors c'est assez complexe, c'est le seul reproche que je peux leur faire justement, ça je voulais arriver à la fin, c'est justement sur le site internet, donc il y a tout expliqué sur les tarifs, les agendas, les thèmes, donc tout sur leur site. Et ce qui est dommage, c'est que ça, c'est assez complexe. J'ai pas trouvé ça très très clair de point de vue tarif. Bon, il est bien sûr conseillé de réserver par groupe de personnes pour que les visites se fassent. C'est vrai qu'ils ne font pas de visites individuelles, personnalisées pour une ou deux personnes, mais ce sont les visites de groupe. Donc c'est idéal pour les scolaires, pour les visites. Je sais pas, si vous, entre amis, vous avez envie de faire justement un circuit énigme, là par contre c'est l'idéal, ils vous feront ça avec grand plaisir. Mais pour les tarifs, ça je vous laisse aller voir sur le site internet, parce que l'expliquer comme ça, ça serait trop compliqué à mon goût, déjà que j'ai eu du mal à tout comprendre. Donc voilà. Alors l'avantage aussi, c'est que bien sûr pour tout ce qui est touriste, vous pouvez donc trouver, vous pouvez avoir des guides donc qui sont polyglottes. Là vous pouvez faire en italien, en anglais, allemand. Bon, là aussi tout est expliqué sur le site. Ça peut faire une petite journée linguistique. On peut faire croire qu'on est italien, ouais. Et comme tout ça. Tout à fait. Ah, mais bien sûr, hein, ouais. Si t'as envie de te faire un trip de Toulouse en italien, pourquoi pas, ou en anglais. Bon, comme tu le sens. Il propose aussi. Ah oui, j'ai oublié de dire des visites en bus. Voilà, c'est bon, petite. Non, c'est pas marrant. Petite originalité. C'est... voilà. C'est mieux à pied, non? Ouais, voilà. Je sais pas parler. S'il pleut comme aujourd'hui, je sais pas. Parce que là, avec cette pluie, peut-être qu'en bus, c'est plus sûr. En même temps. Mais tu peux pas rentrer dans les bâtiments. En même temps, tu te couvres, tu viens des imperméables. Quand il pleut, tu vas pas dehors, tu vas dedans. Donc, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à visiter dans. Ouais. Et oui. Et donc, troisième bon plan. Alors, c'est le site aumusée.com. Alors là aussi, ce sont des amateurs d'art, ils sont deux à s'occuper de ce site, qui en fait proposent de visiter des expos à votre place, donc ils filment les expositions en les commentant. Et donc pour nous pauvres petits provinciaux qui ne peuvent pas aller à Paris, nous pouvons au moins aller sur leur site, profiter des expositions comme si on y était. Et en plus, on a l'avantage d'avoir des guides qui nous présentent les œuvres et tous les concepts présentés. Alors ça, c'est un en super français, avantage. Comme ils font pour en le... français. Comme ils font avec les droits à l'image. Alors ça, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ils l'ont fait. Ils ont beaucoup de vidéos, donc beaucoup d'expositions proposées. Alors, je ne sais pas s'ils ont demandé l'autorisation ou quoi. Mais en tout cas, ils nous font profiter de leur passion. Et ils font... Donc, on peut accéder à plusieurs types d'art. Donc, ça peut être, qu'est-ce que j'ai marqué, des musées, des maisons d'artistes aussi. Ils font visiter des lieux d'art contemporain. Il me semble prochainement aussi tout ce qui est art, donc pour les enfants. Et donc, on a accès à des expos d'art décoratif, d'art contemporain, plusieurs thèmes sont abordés. Donc, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur ce site? Oui, vous pouvez donc pour chaque vidéo accéder à une fiche où là vous aurez donc toutes les descriptions sur le lieu de l'exposition et comment y accéder. Bon, pour nous, ça n'a pas grand intérêt d'y accéder vu que c'est à Paris ou en région parisienne, mais si jamais on veut y aller un jour, au moins on sait comment il faut y aller. Il y a des gens qui vont à Paris. Hein, oui, je sais, mais bon. On peut aller visiter. Comme nous sommes à Toulouse, bon, voilà. Mais bon, au moins, ça nous donne accès à des expos qui ne passent pas forcément dans le coin, et ça, c'était une bonne idée. C'est bien ça. Tu peux rappeler l'adresse du site? Oui, alors c'est aumusée.com, www.aumusee.com. De toute façon, on peut retrouver toutes ces informations sur ce site internet d'Indiesis. Voilà, j'aurai donc c'est toute la chronique. Indiesis.com, Indiesis.com.